Thérèse Raquin. Chapitre 17. Laurent quitta le passage, l'esprit tendu, la chair inquiète. La laine chaude, le consentement de Thérèse, venait de remettre en lui les âpretés d'autrefois. Il prit les quais et marcha, son chapeau à la main, pour recevoir au visage tout l'air du ciel. Lorsqu'il fut arrivé rue Saint-Victor, à la porte de son hôtel, il eut peur de monter, d'être seul. Un effroi d'enfant, inexplicable, imprévu, lui fit craindre de trouver un homme caché derrière sa mansarde. Jamais il n'avait été sujet à de pareilles poltronneries. Il n'essaya même pas de raisonner le frisson étrange qui le prenait. Il entra chez un marchand de vin et y resta pendant une heure, jusqu'à minuit, immobile et muet, à une table, buvant machinalement de grands verres de vin. Il songeait à Thérèse. Il s'irritait contre la jeune femme qui n'avait pas voulu le recevoir le soir même dans sa chambre, et il pensait qu'il n'aurait pas eu peur avec elle. On ferma la boutique, on le mit à la porte. Il rentra pour demander des allumettes. Le bureau de l'hôtel se trouvait au premier étage. Laurent avait une longue allée à suivre et quelques marches à monter avant de pouvoir prendre sa bougie. Cette allée, ce bout d'escalier, d'un noir terrible, l'épouvantait. D'ordinaire, il traversait gaillardement ces ténèbres. Ce soir-là, il n'osait sonner. Il se disait qu'il y avait peut-être, dans un certain renfoncement formé par l'entrée de la cave, des assassins qui lui sauteraient brusquement à la gorge quand il passerait. Enfin, il sonna. Il alluma une allumette et se décida à s'engager dans l'allée. L'allumette s'éteignit. Il resta immobile, haletant, n'osant s'enfuir, frottant les allumettes sur le mur humide avec une anxiété qui faisait trembler sa main. Il lui semblait entendre des voix, des bruits de pas devant lui. Les allumettes se brisaient entre ses doigts. Il réussit à en allumer une. Le soufre se mit à bouillir, à enflammer le bois avec une lenteur qui redoubla les angoisses de Laurent. Dans la clarté pâle et bleuâtre du soufre, dans les lueurs vacillantes qui couraient, il crut distinguer des formes monstrueuses. Puis l'allumette pétilla, la lumière devint blanche et claire. Laurent, soulagé, s'avança avec précaution, en ayant soin de ne pas manquer de lumière. Lorsqu'il lui fallut passer devant la cave, il se serra contre le mur opposé. Il y avait là une masse d'ombre qui l'effrayait. Il gravit ensuite vivement les quelques marches qui le séparaient du bureau de l'hôtel et se crut sauvé lorsqu'il tint sa bougie. Il monta les autres étages plus doucement, en élevant la bougie, en éclairant tous les coins devant lesquels il devait passer. Les grandes ombres bizarres qui vont et viennent, lorsqu'on se trouve dans un escalier avec une lumière, le remplissait d'un vague malaise, en se dressant et en s'effaçant brusquement devant lui. Quand il fut en haut, il ouvrit sa porte et s'enferma, rapidement. Son premier soin fut de regarder sous son lit, de faire une visite minutieuse dans la chambre, pour voir si personne ne s'y trouvait caché. Il ferma la fenêtre du toit en pensant que quelqu'un pourrait bien descendre par là. Quand il eut pris ses dispositions, il se sentit plus calme. Il se déshabilla en s'étonnant de sa poltronnerie. Il finit par sourire, par se traiter d'enfant. Il n'avait jamais été peureux et ne pouvait s'expliquer cette crise subite de terreur. Il se coucha. lorsqu'il fut dans la tiédeur des draps, il songea de nouveau à Thérèse, que ses frayeurs lui avaient fait oublier. Les yeux fermés obstinément, cherchant le sommeil, il sentait malgré lui ses pensées travailler, s'imposer, se lier les unes aux autres, lui présenter toujours les avantages qu'il aurait à se marier au plus vite. Par moments, il se retournait, il se disait « Ne pensons plus, dormons. Il faut que je me lève à 8 heures demain pour aller à mon bureau. » Et il faisait effort pour se laisser glisser au sommeil. Mais les idées revenaient une à une. Le travail sourd de ses raisonnements recommençait. Il se retrouvait bientôt dans une sorte de rêverie aiguë qui étalait au fond de son cerveau les nécessités de son mariage, les arguments que ses désirs et sa prudence donnaient tour à tour pour et contre la possession de Thérèse. Alors, voyant qu'il ne pouvait dormir, que l'insomnie tenait sa chair irritée, il se mit sur le dos. Il ouvrit les yeux tout grands, il laissa son cerveau s'emplir du souvenir de la jeune femme. L'équilibre était rompu. La fièvre chaude de jadis le secouait de nouveau. Il eut l'idée de se lever, de retourner au passage du Pont-Neuf. Il se ferait ouvrir la grille. Il irait frapper à la petite porte de l'escalier et Thérèse le recevrait. À cette pensée, le sang montait à son cou. Sa rêverie avait une lucidité étonnante. Il se voyait dans les rues, marchant vite, le long des maisons, et il se disait « Je prends ce boulevard, je traverse ce carrefour pour être plus tôt arrivé. » Puis la grille du passage grinçait. Il suivait l'étroite galerie, sombre et déserte, en se félicitant de pouvoir monter chez Thérèse sans être vu de la marchande de bijoux faux. Puis il s'imaginait être dans l'allée, dans le petit escalier par où il avait passé si souvent. Là, il éprouvait des joies cuisantes de jadis. Il se rappelait ses terreurs délicieuses, les voluptés poignantes de l'adultère. Ses souvenirs devenaient des réalités qui impressionnaient tous ses sens. Il sentait l'odeur fade du couloir. Il touchait les murs gluants. Il voyait l'ombre sale qui traînait. Et il montait chaque marche, haletant, prêtant l'oreille, contentant déjà ses désirs dans cette approche craintive de la femme désirée. Enfin, il grattait à la porte. La porte s'ouvrait. Thérèse était là qui l'attendait, en jupon, toute blanche. Ses pensées se déroulaient devant lui en spectacle réel. Les yeux fixés sur l'ombre, il voyait. Lorsqu'au bout de sa course dans les rues, après être entré dans le passage et avoir gravi le petit escalier, il crut apercevoir Thérèse, ardente et pâle. Il sauta vivement de son lit en murmurant « Il faut que j'y aille. Elle m'attend. » Le brusque mouvement qu'il venait de faire chassa l'hallucination. Il sentit le froid du carreau. Il eut peur. Il resta un instant immobile, les pieds nus, écoutant. Il lui semblait entendre du bruit sur le carré. S'il allait chez Thérèse, il lui faudrait passer de nouveau devant la porte de la cave, en bas. Cette pensée lui fit courir un grand frisson froid dans le dos. L'épouvante le reprit. Une épouvante bête et écrasante. Il regarda avec défiance dans sa chambre. Il y vit traîner des lambeaux blanchâtres de clarté. Alors, doucement, avec des précautions pleines d'une hâte anxieuse, il remonta sur son lit et là, se pelotonna, se cacha, comme pour se dérober à une arme, à un couteau qui l'aurait menacé. Le sang s'était porté violemment à son cou et son cou le brûlait. Il y porta la main. Il sentit sous ses doigts la cicatrice de la morsure de Camille. Il avait presque oublié cette morsure. Il fut terrifié en la retrouvant sur sa peau. Il crut qu'elle lui mangeait la chair. Il avait vivement retiré la main pour ne plus la sentir. Et il la sentait toujours, dévorante, trouant son cou. Alors, il voulut la gratter délicatement, du bout de l'ongle. La terrible cuisson redoubla. Pour ne pas s'arracher la peau, il serra les deux mains entre ses genoux repliés. Roidi, irrité, il resta là, le clou rongé, les dents claquant de peur. Maintenant, ses idées s'attachaient à Camille, avec une fixité effrayante. Jusque-là, le noyé n'avait pas troublé les nuits de Laurent. Et voilà que la pensée de Thérèse amenait le spectre de son mari. Le meurtrier n'osait plus ouvrir les yeux. Il craignait d'apercevoir sa victime dans un coin de la chambre. À un moment, il lui sembla que sa couche était étrangement secouée. Il s'imagina que Camille se trouvait cachée sous le lit et que c'était lui qui le remuait ainsi pour le faire tomber et le mordre. Hagard, les cheveux dressés sur la tête, il se cramponna à son matelas, croyant que les secousses devenaient de plus en plus violentes. Puis il s'aperçut que le lit ne remuait pas. Il y eut une réaction en lui. Il se mit sur son séant, alluma sa bougie en se traitant d'imbécile. Pour apaiser sa fièvre, il avala un grand verre d'eau. « J'ai eu tort de boire chez ce marchand de vin, » pensait-il. « Je ne sais ce que j'ai cette nuit. C'est bête, je serai éreinté aujourd'hui à mon bureau. J'aurais dû dormir tout de suite en me mettant au lit et ne pas penser à un tas de choses. » C'est cela qui m'a donné l'insomnie. Dormons. Il souffla de nouveau la lumière. Il enfonça la tête dans l'oreiller, un peu rafraîchi, bien décidé à ne plus penser, à ne plus avoir peur. La fatigue commençait à détendre ses nerfs. Il ne s'endormit pas de son sommeil ordinaire, lourd et accablé. Il glissa lentement à une somnolence vague. Il était comme simplement engourdi, comme plongé dans un abrutissement doux et voluptueux. Il sentait son corps en sommeillant. Son intelligence restait éveillée dans sa chair morte. Il avait passé les pensées qui venaient. Il s'était défendu contre la veille. Puis, quand il fut assoupi, quand les forces lui manquèrent et que la volonté lui échappa, les pensées revinrent doucement une à une, reprenant possession de son être défaillant. Ses rêveries recommencèrent. Il refit le chemin qui le séparait de Thérèse. Il descendit, passa devant la cave en courant et se trouva dehors. Il suivit toutes les rues qu'il avait déjà suivies auparavant lorsqu'il rêvait les yeux ouverts. Il entra dans le passage du Pont-Neuf, monta le petit escalier et gratta à la porte. Mais au lieu de Thérèse, au lieu de la jeune femme en jupon, ce fut Camille qui lui ouvrit. Camille telle qu'il l'avait vue à la morgue, verdâtre, atrocement défigurée. Le cadavre lui tendait les bras avec un rire ignoble, en montrant une langue noirâtre dans la blancheur des dents. Laurent poussa un cri et se réveilla en sursaut. Il était trempé d'une sueur glacée. Il ramena la couverture sur ses yeux en s'injuriant, en se mettant en colère contre lui-même. Il voulut se rendormir. Il se rendormit comme précédemment, avec lenteur. Le même accablement le prit, et dès que la volonté lui eut de nouveau échappé dans la langueur du demi-sommeil, il se remit en marche. Il retourna où le conduisait son idée fixe, et il courut pour voir Thérèse, et ce fut encore le noyé qui lui ouvrit la porte. Terrifié, le misérable se mit sur son séant. Il aurait voulu pour tout au monde chasser ce rêve implacable. Il souhaitait un sommeil de plomb qui écrasa ses pensées. Tant qu'il se tenait éveillé, il avait assez d'énergie pour chasser le fantôme de sa victime. Mais dès qu'il n'était plus maître de son esprit le conduisait à l'épouvante en le conduisant à la volupté. Il tenta encore le sommeil. Alors ce fut une succession d'assoupissements voluptueux et de réveils brusques et déchirants. Dans son entêtement furieux, toujours il allait vers Thérèse, toujours il se heurtait contre le corps de Camille. À plus de 10 reprises, il refrit le chemin. Il partit la chair brûlante, suivit la même itinéraire, eut les mêmes sensations, accomplit les mêmes actes avec une exactitude minutieuse, et à plus de 10 reprises, il vit le noyé s'offrir à son embrassement, lorsqu'il étendait les bras pour saisir et étreindre sa maîtresse. Ce même dénouement sinistre qui le réveillait chaque fois, haletant et éperdu, ne décourageait pas son désir. Quelques minutes après, dès qu'il se rendormait, son désir oubliait le cadavre ignoble qui l'attendait, et courait chercher de nouveau le corps chaud et souple d'une femme. Pendant 1 heure, Laurent vécut dans cette suite de cauchemars. Dans ce mauvais rêve sans cesse répété et sans cesse imprévu, qui à chaque sursaut le brisait d'une épouvante plus aiguë. Une des secousses, la dernière, fut si violente, si douloureuse, qu'il se décida à se lever, à ne pas lutter davantage. Le jour venait. Une lueur grise et morne entrait par la fenêtre du toit qui coupait dans le ciel un carré blanchâtre couleur de cendre. Laurent s'habilla lentement, avec une irritation sourde. Il était exaspéré de n'avoir pas dormi, exaspéré de s'être laissé prendre par une peur qu'il traitait maintenant d'enfantillage. Tout en mettant son pantalon, il s'étirait, il se frottait les membres, il se passait les mains sur son visage battu et brouillé par une nuit de fièvre, et il répétait « Je n'aurais pas dû penser à tout ça. J'aurais dormi, je serais frais et dispo à 7 heures. Ah, si Thérèse avait bien voulu hier soir, si Thérèse avait couché avec moi. » Cette idée que Thérèse l'aurait empêché d'avoir peur le tranquillisa un peu. Au fond, il redoutait de passer d'autres nuits semblables à celles qu'il venait d'endurer. Il se jeta de l'eau à la face, puis se donna un coup de peigne. Ce bout de toilette rafraîchit sa tête et dissipa ses dernières terreurs. Il raisonnait librement. Il ne sentait plus qu'une grande fatigue dans tous ses membres. « Je ne suis pourtant pas poltron, » se disait-il, en achevant de se vêtir. « Je ne me moque pas de mal de Camille. C'est absurde de croire que ce pauvre diable est sous mon lit. Maintenant, je vais peut-être croire cela toutes les nuits. Décidément, il faut que je me marie au plus vite. Quand Thérèse me tiendra dans ses bras, je ne penserai guère à Camille. Elle m'embrassera sur le cou et je ne sentirai plus l'atroce cuisson que j'ai éprouvée. Voyons donc cette morsure. » Il s'approcha de son miroir, tendit le cou et regarda. La cicatrice était d'un rose pâle. Laurent, en distinguant la marque des dents de sa victime, éprouva une certaine émotion. Le sang le lui monta à la tête, et il s'aperçut alors d'un étrange phénomène. La cicatrice fut empourprée par le flot qui montait. Elle devint vive et sanglante. Elle se détacha, toute rouge, sur le cou gras et blanc. En même temps, Laurent ressentit des picotements aigus, comme si l'on eût enfoncé des aiguilles dans la plaie. Il se hâta de relever le col de sa chemise. « Bah, » reprit-il, « Thérèse guérira cela. Quelques baisers suffiront. Que je suis bête de songer à ces choses. » Il mit son chapeau et descendit. Il avait besoin de prendre l'air, besoin de marcher. En passant devant la porte de la cave, il sourit. Il s'assura cependant de la solidité du crochet qui fermait cette porte. Dehors, il marcha à pas lents, dans l'air frais du matin, sur les trottoirs déserts. Il était environ 5 heures. Laurent passa une journée atroce. Il dut lutter contre le sommeil accablant qui le saisit dans l'après-midi à son bureau. Sa tête, lourde et endolorie, se penchait malgré lui, et il la relevait brusquement, dès qu'il entendait le pas d'une de ses chefs. Cette lutte, ces secousses, achevèrent de briser ses membres, en lui causant des anxiétés intolérables. Le soir, malgré sa lassitude, il voulut aller voir Thérèse. Il la trouva fiévreuse, accablée, lasse comme lui. « Notre pauvre Thérèse a passé une mauvaise nuit, » lui dit Madame Raquin lorsqu'il se fut assis. « Il paraît qu'elle a eu des cauchemars, une insomnie terrible. À plusieurs reprises, je l'ai entendue crier. Ce matin, elle était toute malade. » Pendant que sa tante parlait, Thérèse regardait fixement Laurent. Sans doute, ils devinèrent leur commune terreur, car un même frisson nerveux courut sur leur visage. Ils restèrent en face l'un de l'autre jusqu'à 10 heures, parlant de banalité, se comprenant, se conjurant tous deux du regard de hâter le moment où ils pourraient s'unir contre le noyé. Thérèse Raquin. Chapitre 18. Thérèse, elle aussi, avait été visitée par le spectre de Camille pendant cette nuit de fièvre. La proposition brûlante de Laurent demandant un rendez-vous après plus d'une année d'indifférence l'avait brusquement fouettée. La chair s'était mise à lui cuire. Lorsque seule et couchée, elle avait songé que le mariage devait avoir bientôt lieu. Alors, au milieu des secousses de l'insomnie, elle avait vu se dresser le noyé. Elle s'était, comme Laurent, tordue dans le désir et dans l'épouvante. Et comme lui, elle s'était dit qu'elle n'aurait plus peur, qu'elle n'éprouverait plus de telles souffrances lorsqu'elle tiendrait son amant entre ses bras. Il y avait eu, à la même heure, chez cette femme et chez cet homme, une sorte de détraquement nerveux qui les rendait pantelants et terrifiés à leurs terribles amours. Une parenté de sang et de volupté s'était établie entre eux. Ils frissonnaient des mêmes frissons. Leurs cœurs, dans une espèce de fraternité poignante, se serraient aux mêmes angoisses. Ils eurent dès lors un seul corps et une seule âme pour jouir et pour souffrir. Cette communauté, cette pénétration mutuelle, est un fait de psychologie et de physiologie qui a souvent lieu chez les êtres que de grandes secousses nerveuses heurtent violemment l'un à l'autre. Pendant plus d'une année, Thérèse et Laurent portèrent légèrement la chaîne rivée à leurs membres qui les unissait. dans l'affaissement succédant à la crise aiguë du meurtre, dans les dégoûts et les besoins de calme et d'oubli qui avaient suivi, ces deux forçats purent croire qu'ils étaient libres, qu'un lien de fer ne les liait plus. La chaîne détendue traînait à terre. Eux, ils se reposaient. Ils se trouvaient frappés d'une sorte de stupeur heureuse. Ils cherchaient à aimer ailleurs, à vivre avec une sage équilibre. Mais le jour où, poussés par les fées, ils en étaient venus à échanger de nouveau des paroles ardentes, la chaîne se tendit violemment. Ils reçurent une secousse telle qu'ils se sentirent à jamais attachés l'un à l'autre. Dès le lendemain, Thérèse se mit à l'œuvre, travailla sourdement à amener son mariage avec Laurent. C'était là une tâche difficile, pleine de périls. Les amants tremblaient de commettre une imprudence, d'éveiller les soupçons, de montrer trop brusquement l'intérêt qu'ils avaient eu à la mort de Camille. Comprenant qu'ils ne pouvaient parler de mariage, ils arrêtèrent un plan fort sage qui consistait à se faire offrir ce qu'ils n'osaient demander, par Madame Raquin elle-même et par les invités du jeudi. Il ne s'agissait plus que de donner l'idée de remarier Thérèse à ces braves gens, surtout de les faire accroire que cette idée venait d'eux et leur appartenait en propre. La comédie fut longue et délicate à jouer. Thérèse et Laurent avaient pris chacun le rôle qui leur convenait. Ils avançaient avec une prudence extrême, calculant le moindre geste, la moindre parole. Au fond, ils étaient dévorés par une impatience qui raidissait et tendait leurs nerfs. Ils vivaient au milieu d'une irritation continuelle. Il leur fallait toute leur lâcheté pour s'imposer des airs souriants et paisibles. S'ils avaient hâte d'en finir, c'est qu'ils ne pouvaient plus rester séparés et solitaires. Chaque nuit, le noyer les visitait. L'insomnie les couchait sur un lit de charbons ardents et les retournait avec des pinces de feu. L'état d'énervement dans lequel ils vivaient activait encore chaque soir la fièvre de leur sang, en dressant devant eux des hallucinations atroces. Thérèse, lorsque le crépuscule était venu, n'osait plus monter dans sa chambre. Elle éprouvait des angoisses vives quand il lui fallait s'enfermer jusqu'au matin dans cette grande pièce qui s'éclairait de lueurs étranges et se peuplait de fantômes. Dès que la lumière était éteinte, elle finit par laisser sa bougie allumée, par ne plus vouloir dormir, afin de tenir toujours ses yeux grands ouverts. Et quand la fatigue baissait ses paupières, elle voyait Camille dans le noir, elle rouvrait les yeux en sursaut. Le matin, elle se traînait, brisée, n'ayant sommeillé que quelques heures au jour. Quant à Laurent, il était devenu décidément poltron depuis le soir où il avait eu peur en passant devant la porte de la cave. Auparavant, il vivait avec des confiances de brute. Maintenant, au moindre bruit, il tremblait. Il pâlissait, comme un petit garçon. Un frisson d'effroi avait brusquement secoué ses membres et ne l'avait plus quitté. La nuit, il souffrait plus encore que Thérèse. La peur, dans ce grand corps mou et lâche, amenait des déchirements profonds. Il voyait tomber le jour avec des appréhensions cruelles. Il lui arriva à plusieurs reprises de ne pas vouloir rentrer, de passer des nuits entières à marcher au milieu des rues désertes. Une fois, il resta jusqu'au matin sous un pont, par une pluie battante. Là, accroupi, glacé, n'osant se lever pour remonter sur le quai, il regarda pendant près de 6 heures couler l'eau sale dans l'ombre blanchâtre. Par moments, des terreurs l'aplatissaient contre la terre humide. Il lui semblait voir, sous l'arche du pont, passer de longues traînées de noyers qui descendaient au fil du courant. Lorsque la lassitude le poussait chez lui, il s'y enfermait à double tour. Il s'y débattait jusqu'à l'aube, au milieu d'accès effrayants de fièvre. Le même cauchemar revenait avec persistance. Il croyait tomber des bras ardents et passionnés de Thérèse entre les bras froids et gluants de Camille. Il rêvait que sa maîtresse l'étouffait dans une étreinte chaude. Et il rêvait ensuite que le noyer le serrait contre sa poitrine pourrie dans un embrassement glacial. Ces sensations brusques et alternées de volupté et de dégoût, ces contacts successifs de chair brûlante, d'amour et de chair froide, amollis par la vase, le faisaient haleter et frissonner, râler d'angoisse. Et chaque jour, l'épouvante des amants grandissait. Chaque jour, leur cauchemar les écrasait, les affolait davantage. Ils ne comptaient plus que sur leurs baisers pour tuer l'insomnie. Par prudence, ils n'osaient pas donner des rendez-vous. Ils attendaient le jour du mariage comme un jour de salut qui serait suivi d'une nuit heureuse. C'est ainsi qu'ils voulaient leur union, de tout le désir qu'ils éprouvaient de dormir un sommeil calme. Pendant les heures d'indifférence, ils avaient hésité, oubliant chacun les raisons égoïstes et passionnées qui s'étaient comme évanouies, après les avoir tous deux poussés au meurtre. La fièvre les brûlant de nouveau, ils retrouvaient, au fond de leur passion et de leur égoïsme, ces raisons premières qui les avaient décidés à tuer Camille, pour goûter ensuite les joies que, selon eux, leur assuraient un mariage légitime. D'ailleurs, c'était avec un vague désespoir qu'ils prenaient la résolution suprême de s'unir ouvertement. Tout au fond d'eux, il y avait de la crainte. Leur désir frissonnait. Ils étaient penchés, en quelque sorte, l'un sur l'autre, comme sur un abîme dont l'horreur les attirait. Ils se courbaient mutuellement, au-dessus de leur être, cramponnés, muets, tandis que des vertiges, d'une volupté cuisante, alanguissaient leurs membres, leur donnaient la folie de la chute. Mais en face du moment présent, de leur attente anxieuse et de leur désir peureux, ils sentaient l'impérieuse nécessité de s'aveugler, de rêver un avenir de félicité amoureuse et de jouissance paisible. Puis ils tremblaient l'un devant l'autre, puis ils devinaient l'horreur du gouffre au fond duquel ils allaient se jeter, et plus ils cherchaient à se faire à eux-mêmes des promesses de bonheur, à étaler devant eux les faits invincibles qui les amenaient fatalement au mariage. Thérèse désirait uniquement se marier parce qu'elle avait peur et que son organisme réclamait les caresses violentes de Laurent. Elle était en proie à une crise nerveuse qui la rendait comme folle. À vrai dire, elle ne raisonnait guère. Elle se jetait dans la passion, l'esprit détraqué par les romans qu'elle venait de lire, la chair irritée par les insomnies cruelles qui la tenaient éveillée depuis plusieurs semaines. Laurent, d'un tempérament plus épais, tout en cédant à ses terreurs et à ses désirs, entendait raisonner sa décision. Pour se bien prouver que son mariage était nécessaire et qu'il allait enfin être parfaitement heureux, pour dissiper les craintes vagues qui le prenaient, il refaisait tous ses calculs d'autrefois. Son père, le paysan de Jeufosse, s'entêtant à ne pas mourir, il se disait que l'héritage pouvait se faire longtemps attendre. Il craignait même que cet héritage ne lui échappât et n'allât dans les poches d'un de ses cousins, grand gaillard qui piochait la terre à la vive satisfaction du vieux Laurent. Et lui, il serait toujours pauvre, il vivrait sans femme, dans un grenier, dormant mal, mangeant plus mal encore. D'ailleurs, il comptait ne pas travailler toute sa vie. Il commençait à s'ennuyer singulièrement à son bureau. La légère besogne qui lui était confiée devenait accablante pour sa paresse. Le résultat de ses réflexions était toujours que le suprême bonheur consiste à ne rien faire. Alors il se rappelait qu'il avait noyé Camille pour épouser Thérèse et ne plus rien faire ensuite. Certes, le désir de posséder à lui seul sa maîtresse était entré pour beaucoup dans la pensée de son crime. Mais il avait été conduit au meurtre peut-être plus encore par l'espérance de se mettre à la place de Camille, de se faire soigner toutes les heures. si la passion seule l'eût poussé, il n'aurait pas montré tant de lâcheté, tant de prudence. La vérité était qu'il avait cherché à assurer par un assassinat le calme et l'oisiveté de sa vie, le contentement durable de ses appétits. Toutes ses pensées, avouées ou inconscientes, lui revenaient. Il se répétait, pour s'encourager, qu'il était temps de tirer le profit attendu de la mort de Camille. Et il étalait devant lui les avantages, les bonheurs de son existence future. Il quitterait son bureau, il vivrait dans une paresse délicieuse. Il mangerait, il boirait, il dormirait son soûl. Il aurait sans cesse sous la main une femme ardente qui rétablirait l'équilibre de son sang et de ses nerfs. Bientôt, il hériterait des 40 et quelques 1000 francs de Madame Raquin, car la pauvre vieille se mourait un peu chaque jour. Enfin, elle se créerait une vie de brute heureuse. Il oublierait tout. À chaque heure, depuis que leur mariage était décidé entre Thérèse et lui, Laurent se disait ces choses. Il cherchait encore d'autres nouveaux arguments, il cherchait encore d'autres avantages, et il était tout joyeux lorsqu'il croyait avoir trouvé un nouvel argument, puisé dans son égoïsme qui l'obligeait à épouser la veuve du noyé. Mais il avait beau se forcer à l'espérance, il avait beau rêver un avenir gras de paresse et de volupté, il sentait toujours de brusques frissons lui glacer la peau. Il éprouvait toujours par moments une anxiété qui étouffait la joie dans sa gorge.